Ouais, c'était sympa. D'aller manger. Avec toi, c'est toujours sympa. Un vrai rocker. Bonne soirée, Titi. Mon pote Titi. Thank you.